bien constitue la valeur égale au mal non compris. Comme le mal constitue la valeur égale au bien non compris. Je connais énormément de gens, moi, qui font le bien et qui retardent l'évolution. L'illusion est autant plus puissante parce que c'est encore plus... Ben, le bien est même plus dangereux que le mal. Ben oui. C'est agréable. Le bien est même plus dangereux que le mal. Parce que l'ego se justifie à lui-même. Ben, c'est évident. Parce que dans le bien, l'ego n'a pas de culpabilité. Mais dans le mal, il y en a une. C'est comme ça que les forces... Tandis que par la culpabilité, l'ego va faire le bien. Qui en fait le mal? Cosmiquement parlant. Parce que, en faisant le bien... Au niveau de la culpabilité, il retarde l'évolution de son mental, de sa volonté, de son intelligence. Fait qu'automatiquement, il agrandit le mal planétaire. Mais oui, parce que c'est une illusion. Parfait. Bien plus mal, c'est une illusion. Ben oui. C'est pour ça que je dis tout le temps, la vérité n'existe pas. Fait que tu commences à parler de vérité, tu parles plus de bien plus de mal. Dans l'analyse fondamentale du vrai et du faux, il y a toujours le phénomène du bien et du mal. Moi, je peux facilement démontrer à l'homme que tout ce qui est bien est mal, puis tout ce qui est mal est bien. Mais l'homme ne peut pas comprendre que le mal est bien parce que l'homme ne connaît pas la relation entre le mal planétaire et le mal cosmique, tandis que le bien, il peut le comprendre parce qu'il comprend l'effet du mal planétaire au niveau du bien planétaire. Il va faire une correspondance tout de suite, là. C'est le même au lieu de le même. Les nazis avaient une grande cause. Mais les nazis ne comprenaient pas le lien entre leur politique et les forces du mal. Alors pour eux autres, le mal était bien. Création d'une nouvelle race. Il mentait un juif. Mais l'homme ne pourra pas détruire l'illusion du bien et du mal avant la septième race. Durant la sixième race, l'homme va être prisonnier à cause du bien et du mal. C'est ce qui va amener éventuellement le conflit entre la magie noire et la magie blanche durant la période de l'Armageddon. C'est pour ça que je dis, durant la sixième race, la spiritualité de la sixième race sera très grande. Et de la spiritualité de la sixième race naîtra le conflit entre la magie noire et la magie blanche. Parce que la spiritualité, pour l'homme, c'est pas ce que l'homme pense. La spiritualité, pour l'homme, c'est l'inversion réelle du positif cosmique. Et le positif cosmique, c'est l'aspect de descente de l'énergie dans l'homme. Alors, l'inversion réelle du positif cosmique, c'est la montée de l'énergie dans l'homme. La montée de haut, à partir du bas vers le haut. C'est pour ça que le spirituel est dangereux, parce qu'il monte du bas en haut. Ce qui entraîne la pulsation des centres, la réalisation à un très, très bas niveau du Kundalini. Puis le Kundalini ne devra jamais monter de main à partir de l'ego. L'homme doit transposer totalement et parfaitement sa personnalité avant de réaliser l'effet du Kundalini dans ses centres. À ce moment-là, quand il rentre dans l'agencement des vibrations, selon son mental ou son plan astral ou son plan vital ou son plan physique, l'agencement est parfait, mais il n'y en a aucun contrôle. À ce moment-là, il ne peut pas en souffrir, il ne peut pas se servir du mouvement de l'énergie au niveau de l'ego. L'énergie est canalisée, et elle va où elle doit aller. Parce que l'énergie est intelligence, est volonté, est amour. Alors, c'est pas à l'homme de dicter à l'énergie où elle doit aller. Elle le sait. Elle est intelligence. Quand on parle, on parle. Oh, la main se lève. C'est pas moi qui décide de faire lever ma main. C'est l'énergie qui fait lever la main. Hein? Comme moi, je suis pas capable de faire descendre ma main. J'ai pas la volonté subjective de faire descendre ma main. Là, ma main descend. Puis c'est toujours de même, on ne réalise pas. Elle est encore là, mais. C'est vrai? C'est pas moi qui l'ai mis là. Pas mon ego. C'est de même à tous les niveaux. Mais avant que l'homme connaisse la différence entre le bien et le mal, ça prend un certain bout de temps. Il va falloir qu'il sauve des deux. Il va falloir qu'il connaisse sa volonté et son intelligence. Parce que c'est dans la volonté que l'homme connaît l'étendue du bien et l'étendue du mal. Parce qu'il a l'intelligence pour comprendre la vertu du bien et la vertu du mal. Parce que si tu ne connais pas la vertu du mal, tu ne peux pas connaître la vertu du bien. Parce que pour connaître la vertu du bien, tu es obligé d'enfreindre les lois de l'homme. Autrement dit, détruire les influences. Et pour comprendre la vertu du mal, tu es obligé de réaliser les vertus ascensionnelles de l'esprit de l'homme, qui est la destruction instantanée de toute forme de domination. Ce qui permet à l'homme de réaliser ce qu'il est, ce n'est pas son pouvoir de manipulation des forces. C'est sa capacité d'être libre d'elle, qui implique encore l'intelligence, la volonté. En dedans de ça, l'homme ne peut pas se réaliser. Alors, il opte pour une vertu, oui, non. Moi, pour les témoins de Jéhovah, je suis dans la crise. Pourquoi? Parce que je représente quelque chose qui n'est pas écrit dans le livre. Comme il le voit. Pour un bon chrétien spirituel, bon, je suis un athée. Peut-être que je peux être antéchrist. Pour un occultiste, ben, je peux être intéressant. Hein? Fait que la femme chante. C'est pour ça que la volonté, c'est si important. Parce que la volonté construit ce qu'elle détruit. Le jeu de l'ego. Tout le temps. La volonté construit ce qu'elle détruit parce que la volonté est assise sur rien. Alors, tout ce qu'elle touche, elle le détruit. C'est comme ça qu'elle construit, et ainsi de suite, puis qu'elle avance. Et l'intelligence ajoute à tout ce qu'elle sait parce qu'elle détruit tout ce qui vient avant elle. C'est pour ça que je dis, l'homme conscient doit détruire l'intelligence, doit détruire les formes de l'intelligence. L'intelligence se trouve toute seule. Pour que l'intelligence se trouve toujours... Toujours face à elle-même. Devant elle-même. C'est proche, ce que tu dis. Ouais. L'intelligence doit toujours se trouver face à elle-même. Tout le temps. L'intelligence comme un boomerang. Ça tourne par bien. Paf. Ça tourne par bien. Anok. Puis elle revient. Tout le temps. Une non. Il n'y a pas d'expérience dans l'intelligence parce que l'intelligence n'appartient pas à l'homme. L'intelligence, c'est un instantané. Mais dans son expérience, l'ego dans son expérience. L'ego dans son expérience fait l'ego dans son expérience fait l'expérience du choc de l'intelligence qui s'en va en boomerang. C'est ça, là, l'âme reçoit l'expérience. Oui. Puis l'accumule. L'accumule. Puis quand t'en as assez, oui. Ben, dis, il est temps d'arriver de faire monter l'ego. Puis de. Changement de l'ego en esprit. Le travail est fini, là, ben. Ouais. On vient à la maison. Ouais. Parce qu'il n'y a plus rien à knocker dans le boomerang, dans le mouvement du boomerang. Il n'y a plus d'objet. Il n'y a plus d'obstacle. Le temps que. La transmutation de l'homme, c'est mouvement d'intelligence, whoop, puis il revient. Il y a une tête qui tombe, un autre, whoop. Puis éventuellement, il n'y a plus. Il a juste sa précision. Alors, automatiquement, l'intelligence change de niveau. La volonté change de niveau. Les corps s'ajustent à l'autre énergie. Transmutation. Mais tant que ce travail-là de faire tomber des têtes par le boomerang n'est pas fini, il faut que ça soit fait parce que c'est l'ego qui apprend l'expérience. C'est ça qui amène à la transmutation des corps de l'âme. Tu peux pas transmuter sans te servir, sans apprendre à te servir de ton intelligence et de ta volonté. Ou la volonté de. Faut qu'elle descende, cette affaire-là. C'est dans sa descente que toi, tu transmutes tes corps. C'est ça que t'as fait d'avoir l'épée. Bon, quand t'as fini ça, ça part. Tu sais que t'es capable de viser toute forme qui se présente. Ouais, n'importe quelle. N'importe quelle. Instantanément. On tire juste. Tout le temps. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'une chose à faire. T'as retiré. C'est ça que j'appelle l'isolation psychique. Qui devient de plus en plus évidente, de plus en plus nécessaire. Là, t'es bien. Tu peux vivre 300 ans, même. Tu vas voir un médium, tu demandes des questions sur moi, t'as des. Faut que ton intelligence puisse les knocker. Paf! Bzzz, reviens, c'est moi. Parce que. Une expérience, c'est moi, il me l'aurait demandé de voir si. Parce que moi, je suis un hyper émotif. Alors, je voulais poser une couple de questions pour voir, puis je lui parler, mais comment d'où venait mon aspect curé, puis toute l'affaire. Ils me disent, ben, c'est parce que Bernard, lui, il me regarde et dit, lui, que c'est pas un émotif. Ben, il dit, quand tu regardes toi, quand tu me regardes, moi étant hyper émotif, il dit, regarde ça, puis il dit, il faut qu'il soit moins, parce qu'il y a une incompréhension dans mon mouvement à moi. Il dit, lui, quand même, il dit, si tu regardes un peu qu'est-ce qu'il fait, il dit, il est émotif d'un côté, il a des émotions. Parce qu'il dit, regarde, il dit, des fois il pleure ou des fois il se met maudit. Tu sais, c'est moi, j'ai perçu tout de suite l'incompréhension de la situation où tu es, où tu te situes face à eux autres. C'est comme ça que j'ai perçu la chose. Mais eux autres te percevaient comme étant encore avec des émotions, avec un certain. Toute la façon que tu te décrivais, c'était. C'était pas. C'était dans un mouvement comme un être ordinaire humain fonctionne. Un gars dans une démarche spirituelle. Le gars qui essaye, qui dans ses découvertes intérieures, vient à avoir une plus grande recherche intérieure, découvrir une stabilité intérieure, des choses comme ça. Tout la carrière habituelle d'un être réalisé spirituel qui s'en va vers ça. Ils sont obligés de te parler en termes spirituels parce qu'ils sont eux-mêmes dans là-dedans. C'est là que je perçois. Là, c'est grâce à des moyens comme ça. Si ça va comme je suis à une queue spiritualité, ça va bien insulter. C'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, quand il disait qu'il était émotif, je savais que ce qui se passait quand tu avais des expériences de ce genre-là, c'était pas le même style de choses. Mm. Je me disais, c'est eux autres qui ont un coup. Hein. Mais je suis pas assez armé pour commencer à les poigner dans le coin. C'est une bonne heure. Quand je suis ici, moi, j'ai accepté de les pièces pour venir en chambre d'esprit. Je me laisse armé, puis tout, pour attendre un culot. Üçlerden? Si, si, bu konuda bir dakika. Üçlerden? Parce que peut-être que dans une mauvaise situation, une mauvaise question pour diriger un camp, je ne veux pas t'imposer. De dire ça, ça peut ramener selon ta volonté. Je peux pas parler comme je veux. Ben, c'est ce que j'ai compris. T'sais, parler pour moi. Autant c'est facile pour moi de parler, autant c'est impossible. Alors, moi, je pensais que les réunions, c'était plutôt nous montrer, comme tu disais tantôt, à son nez de puits. Ouais, je comprends. Il me semble, des fois, j'ai senti que quand les gens parlaient comme ça, posaient des questions, des fois, j'ai vu que tu coupais, puis là, tu dis, bon, mon pièce, yes, moi, où est-ce qu'on est? Je pense que tu sens toi-même. Tu sens toi-même, si à un moment donné, tu sens qu'il y a une question, ça, c'est fini, puis tu passes, mais, parce que t'as dit. Moi, il me faut que je le sente. Il y a l'intérêt vital, c'est quelque chose qu'on va trouver tout seul, ou si ça va venir tout seul, je te le connais. Cette connexion avec de l'âme entre l'ego va être assez grande, on va connaître notre intérêt vital. Ça dépend toujours de vous autres, tu sais. Comme elle me demande une question, là, faut que je revienne à moi, là. Lui me demande une question, il faut la répondre. Il me demande une question. Là. Faut que tu sens, puis qu'est-ce qui détermine ce que tu sens, c'est ce que les gens sont. Ouais. Ce que les gens envoient. C'est toujours suivant la vibration du monde. Comme là, elle me demande une question, là, puis je suis pas capable de répondre. À ce moment-là, soit que j'attends d'autres questions, ou soit que je continue. Tu sais, c'est pas moi qui détermine. Fait que si je réponds pas à sa question, c'est parce que je peux pas répondre à sa question, puis il y a une raison à ça, puis c'est encore pour toujours tempérer la curiosité dans son cas. Ça, c'est la raison. C'est ça qui l'amène, elle, à évoluer, bien évoluer. Puis lui, mais ils me font répondre, je fais répondre, ils me font répondre, je réponds. Mais je fais pas ce que je veux. Je fais ce que je peux. Bon, je continue. Un autre aspect très, très occulte, si vous voulez, de la doctrine cosmique de l'homme. C'est tout ce qui est lié à l'inévitabilité de l'acte. Un acte est toujours inévitable. Mais l'acte devient inévitable seulement quand on en souffre dans son imperfection. Ce que je veux dire, c'est que plus vous allez vous conscientiser, plus votre système nerveux va se développer. Plus il y a des actes que vous allez commettre, même des actes très simples, qui vont vous faire souffrir à cause de l'imperfection, mais l'imperfection va servir à changer vos vibrations. Puis la conscience de l'inévitabilité de l'acte va créer en vous la conscience de la volonté cosmique en vous. Ce qui va créer en retour en vous une réaction de votre clan humain contre le plan de l'ange. Ce qui va engendrer en vous le feu du Kundalini par an. Le feu du Kundalini est engendré dans l'homme de la sixième race par en haut seulement lorsqu'il commence à souffrir de l'inévitabilité de l'acte. Dans l'inévitabilité de l'acte, l'homme réalise son impuissance. Au cours de son expérience avec l'inévitabilité de l'acte, il souffre de son impuissance à contrôler l'énergie du mouvement. Puis, avec le raffinement de ses corps, il en arrive à ne plus souffrir de l'inévitabilité de l'acte parce que son comportement devient de plus en plus parfait. De sorte qu'il en arrive à ne plus souffrir de son comportement parce que son comportement se stabilise parfaitement. De sorte que l'homme ne souffre plus. Il y a un temps pour ça. Il y a des conditions pour ça. Ça, c'est la partie occulte du mouvement de l'énergie dans l'homme. Je peux pas vous le dire d'une façon plus concrète que ça. Vous autres, dans votre langage, vous diriez... que vous êtes tanné de vous faire casser les pieds par eux autres. Ça, c'est dans votre langage. Et dans l'expérience de l'inévitabilité de l'acte, vient le moment dans votre vie où, à cause de l'inévitabilité de l'acte qui vous a fait souffrir énormément et qui vous a amené à vous servir de votre volonté, de votre intelligence, vous mettez extrêmement de l'ordre dans votre vie. De l'ordre. Puis l'ordre dans votre vie devient le motif même de votre réalisation matérielle sur le plan physique, jusqu'à temps que vous passiez dans l'éther. Une fois que vous êtes dans l'éther, que vous passez en esprit dans l'éther, à ce moment-là, vous êtes dans l'harmonie parfaite. Vous êtes dans l'âge paradisiaque. Vous n'avez plus de problèmes humains. À ce moment-là, la vie n'est plus planétaire, elle est totalement cosmique. Mais l'inévitabilité de l'acte, la conscience de l'inévitabilité de l'acte devient de plus en plus grande au fur et à mesure que se développe le système nerveux, puis au fur et à mesure que se développe la conscience de la souffrance qui relève du fait de la force de l'âme qui pénètre dans les corps. Le mouvement de l'énergie, la descente de l'énergie qui passe à travers des couches de l'émotivité de l'homme expérientielle pour en arriver à détruire les couches de l'émotivité de l'homme expérientiel pour amener l'homme expérientiel à un état totalement de surhomme, autrement dit, d'homme non déterminé dans sa manifestation par les forces planétaires qui sont en contradiction et dualistique en lui à cause de son émotion et de son mental inférieur. La progression de l'homme vers l'inévitabilité de l'acte est suffisamment grande dans le cycle qui vient pour créer des dépressions nerveuses à ceux qui ne sont pas conscients du phénomène et éventuellement d'amener à l'expérience de la folie pour ceux qui n'ont pas réellement la résistance émotive au niveau de l'ego pour supporter cette énergie-là. C'est pourquoi il y aura beaucoup de maladies mentales à la fin du siècle à cause de l'inévitabilité de l'acte. Parce que l'acte, dans son inévitabilité, est le mouvement de l'énergie à travers les corps de l'homme. Ceux qui auront les corps suffisamment solides pour supporter ce mouvement d'énergie-là pourront absorber l'inévitabilité de l'acte qui coïncidera avec une imperfection du mouvement ou à une imperfection quelconque pour développer une résistance très grande qui les amènera éventuellement à la perfection dont ils ont besoin pour rentrer dans l'éthérique. Ça se comprend-tu? Là, quand quelqu'un agit, puis tu dis, 10 minutes après que tu as fait la chose, tu dis, regarde ça comment j'étais niaiseux, comment j'ai agi, mais il me semble que j'ai gaffé là, il me semble que j'aurais pas dû dire ça ou que j'aurais pas dû agir comme ça. Est-ce que c'est dans ce... Tu sais, tu dis, collé, j'ai fait une bêtise. Ça fait partie de l'inévitabilité de l'acte. C'est ça. Ouais. Tu regardes faire avec une certaine projection dans le temps, tu dis, oh là. Ouais. Tu dis, comment ça se fait que j'ai fait ça? Ouais. Il me semble que, avec l'âge que j'ai d'expérience, que j'ai de bagage, que j'ai fait ça. Ouais. L'inévitabilité de l'acte, c'est une condition du mouvement de l'énergie dans l'homme qui dure jusqu'à temps que l'homme ait suffisamment compris les lois de la vie. Une fois qu'il a suffisamment compris les lois de la vie, il a mis énormément d'ordre dans sa vie. Parce que comprendre les lois de la vie, c'est mettre de l'ordre dans sa vie. Mais pas de l'ordre psychologique, de l'ordre vibratoire. Pour que vibratoirement, il n'y ait jamais de désordre qui soit créé dans ta vie pour que tu ne souffres plus. Pour que tu ne souffres pas. Sans ça, ta sensibilité intérieure étant tellement grande que tu souffres à cause de ce désordre-là. Puis le phénomène de l'inévitabilité de l'acte est un phénomène de conscientisation de l'homme de la sixième race. C'est un phénomène émotif transcendé en phénomène purement mental. Ce qui amène l'homme à une grande conscience de son esprit. Et lorsque l'homme a une grande conscience de son esprit, c'est là qu'il commence à entrer dans la grande intelligence, dans l'intelligence. Mais tu peux pas être de conscience de ton esprit. Tu peux pas être dans l'intelligence, rentrer dans l'intelligence, puis ne pas avoir conscience de ton esprit. Parce que dans la conscience de ton esprit, l'homme découvre deux choses. La volonté, d'abord de son esprit, qui lui permet éventuellement d'avoir accès à l'intelligence de l'esprit en lui. Et l'intelligence de l'esprit en lui se fait proportionnellement à sa capacité d'absorber l'inévitabilité de l'acte. Ce que vous appelez, vous autres, des erreurs. De toutes sortes. T'en fargé en montant une marche. T'en arrives, ça te fend le cul. Fait qu'éventuellement, l'homme vit dans une conscience très, très approximative de l'instant du présent, de plus en plus. Il n'y a plus de décalage, il n'y a plus tout à l'heure, puis là. T'sais, c'est toujours là, puis là, puis là. Fait que plus tu te conscientises, plus tu vis dans le présent. Alors, si tu vis de plus en plus dans le présent au niveau de tous tes principes, tous les mouvements que tu fais, tu t'en es conscient. Tous les mouvements que tu fais. Ce qui nécessite énormément d'énergie et ce qui fait descendre sur le plan matériel énormément d'énergie de sorte que tu deviens de plus en plus intense. Et tu te concurrences en venir à sortir du temps. Ouais, rendu là, tu sors du temps. Bon. Plus tu te rapproches du plaisir, plus tu sors du temps. Ouais. Plus tu détruis l'illusion pour passer à venir de plus. Ouais. Mais tu es capable de structurer le futur? Tu structures le futur. Ah oui. Parce que si tu vis dans le présent, puis tu veux faire un rendez-vous avec quelqu'un, je veux dire, faut que tu sois certain comme dans la mission. Si tu es correct là, à cette heure-ci, à 7 heures, c'est quand même qu'on se rencontre à 9 heures, puis à 9 heures, ça arrive, puis ça fonctionne plus. C'est juste pas lui. Quand tu vis dans le présent, tu structures toujours le futur, mais tu le structures jamais par ton ego. Il structure tout seul. Mais avant d'arriver à là, tu... Tu essaies de le structurer, tu manques donc. C'est de la souffrance émotive qui se produit le long du chemin. Automatiquement. Ah. Quand tu vis dans le présent, le futur, il structure tout seul. Parce qu'il n'y a pas d'effort quand tu te conscientises. Quand tu es conscient, il n'y a pas d'effort. Il n'y a jamais d'effort. Tu es toujours à la bonne place au bon moment parce que tu suis le mouvement de ton énergie. Fait que même si l'autre ne suit pas le mouvement de ton énergie, toi, tu le suis. Fait que s'ils veulent que tu rencontres quelqu'un à Timbuktu, ils vont te faire aller à Timbuktu. Toi, tu es libre. Tu comprends? T'es toujours libre, toi. Fait que tu vas pas leur dire, pourquoi est-ce que je vais à Timbuktu? Parce que t'as plus d'énergie à perdre. Tu sais à ce moment-là que tout ce que tu fais, c'est correct. Fait que tu prends l'avion, tu t'en vas à Timbuktu, puis qui c'est que tu rencontres à Timbuktu? Quelqu'un. Fait que c'est pour ça que tu rencontres énormément de gens dans la vie à partir de ce moment-là, que tu dois rencontrer. À quelque endroit que ce soit, parce que toi, t'es toujours libre. Eux autres, qu'ils soient prisonniers, c'est pas grave. Si la montagne, elle vient pas à Mohamed, Mohamed va à la montagne. Ne plus vouloir souffrir, c'est une condition essentielle de l'homme vivant. Plus il ne veut plus souffrir, plus il devient centrique. Plus il doit devenir centrique pour ne plus souffrir. Plus il doit se servir de sa volonté, le plus souffrir. Plus il doit être intelligent, le plus souffrir. Moins il doit avoir de culpabilité. Donc, quand tu reçois une vibration, puis tu décides que c'est assez, t'en souffres, tu sais, puis là, tu fais un mouvement, puis que là, après ça, t'en souffres plus, c'est grave. Comprends-tu? Comment ça? Si tu reçois une énergie, l'énergie passe, t'en souffres. Bon, puis là, dans ton mental, tu veux l'arrêter. Et peu importe le moyen, faut que tu arrêtes la souffrance parce que là, tu comprends que c'est ça qui est important. Bon, tu fais un mouvement quelconque. Puis après avoir fait le mouvement, tu es soulagé, tu as la paix, tu te sens plus la souffrance. Ça veut dire que tes corps se sont ajustés. Tu peux jamais t'empêcher d'une souffrance. Tu peux t'empêcher de celle qui va venir après. OK, laisse-moi expliquer. Ouais, parce que... Tu peux pas t'empêcher une souffrance, parce qu'une souffrance fait partie de l'inévitabilité de l'acte. Okay. OK. Tu cesses de vivre sous la loi de l'inévitabilité de l'acte au fur et à mesure que tu te conscientises et que tu développes ta volonté puis ton intelligence, que tu vis de plus en plus dans l'ordre. C'est constamment un perfectionnement, ça. De sorte qu'à un certain moment... Tu ne peux plus vivre telle souffrance parce que tu l'as vécu avant. OK. L'ayant vécu avant, tu as détruit les conditions qui permettaient son existence. Parce que ta volonté et ton intelligence étaient entrées en jeu. Tu as changé la vibration de tes corps. Donc, elle a moins d'emprise sur toi. Ouais. OK. Ça, tu peux te permettre de dire c'est assez. Ouais. OK. Quand tu dis c'est assez, tu viens de changer ta vibration vient de changer, tu ne peux plus souffrir cette souffrance-là. Mais étant sous la loi de l'inévitabilité de l'acte, tu peux en souffrir un autre. Ce qui te amène avec le temps, à mettre de l'ordre dans ta vie. De sorte qu'avec le temps, il y a tellement d'ordre dans ta vie que l'inévitabilité de l'acte n'existe plus. Quand l'inévitabilité de l'acte n'existe plus, à ce moment-là, tu es prêt à voir dans l'éthérique. Parce que tu n'as plus rien à faire sur le plan matériel. Parce qu'il y a une continuité dans la perfection du mouvement d'énergie. L'énergie qui descend doit toujours faire quelque chose. Si l'énergie descend ne fait rien, l'énergie doit faire autre chose. Alors, si l'énergie descend ne fait rien sur le plan matériel parce que tout est fait, l'énergie doit continuer à faire autre chose, alors automatiquement, elle t'amène sur l'autre. Un jour, vous avez dit, la souffrance, c'est pas nous qui décidons de la longueur du moment où on doit décider du début de la fin d'une souffrance, elle est terminée par les forces qui viennent. Ouais. Tant qu'on n'a pas à décider de la fin d'une chose. Oui, tant qu'on est... À ce moment-là, ça donne rien, la volonté n'agit pas à ce moment-là. Oui, c'est parce que quand je vous parlais dans ce temps-là, je vous parlais parce que vous n'aviez pas la volonté. Et d'ailleurs, les gens ne l'ont pas encore. C'est quand tu rentres dans la volonté que tu commences à décider. Mais tu ne peux pas commencer à décider tant que tu ne rentres pas dans ta volonté, dans la volonté. Donc, automatiquement, vous n'avez pas le choix. Et du côté de la souffrance, du côté de l'énergie de la souffrance, qu'on parle toujours, je crois qu'à certains moments donnés, la souffrance devient plus intense quand on y attache trop d'importance. C'est intéressant ce point-là. OK, je vous réponds de deux façons. Quand vous y attachez pas d'importance, elle est moins souffrante, elle le deviendra. Parce que la conscientisation vous amènera à une sensibilité qui fera de cette souffrance-là une expérience difficile. L'autre aspect de la réponse, c'est que plus vous conscientisez, plus vous avez de la volonté et d'intelligence, plus vous êtes capable de détruire les raisons, les conditions de cette souffrance-là pour l'éliminer complètement. Ça marche? Oui. Fait que si vous en souffrez pas trop, vous en souffrirez. Pour vous amener à la volonté et à l'intelligence pour vous permettre de la détruire. Mais vous ne pouvez pas détruire la souffrance sans souffrir. C'est pour ça que l'homme inconscient souffre, mais ne grandit pas. Il souffre inutilement au niveau de son ego, mais il souffre utilement au niveau de l'âme. Tandis que l'homme conscient ne désire pas souffrir au niveau de son ego et il se fout de la souffrance de l'âme. Parce que l'homme conscient doit se servir de l'énergie de l'âme et ne plus être existentiellement attaché à sa fonction, qui est celle d'élever la nature de son ego. Alors, puisque son ego est rendu suffisamment évolué, que son ego est sur le plan de l'âme, son ego, à ce moment-là, renverse le mouvement de l'âme sur lui-même pour prendre sur lui-même les forces de l'âme. Ce qui est la grande liberté occulte de l'homme de la sixième race. Autant tu fais Non. Non, pas nécessairement. Parce que ce qui arrive... Non. C'était un mot, ça veut dire. Ce qui arrive... Ce qui arrive doit arriver... Et à un certain moment... Vous en arrivez à ce que ce qui arrive, qui doit arriver, ne doit pas arriver si c'est pas dans l'ordre. Oui, je suis d'accord. Ce que vous dites, c'est vrai, jusqu'à temps que vous en arriviez à détruire l'inévitabilité de l'acte. Il y a deux phases dans l'homme liées à la souffrance. Ce que vous dites, c'est vrai. Et ce qui vient après, c'est l'autre partie. C'est comme... Je vais donner un exemple. Moi, dernièrement, j'ai dit à eux autres en haut, j'ai dit... Ça fait longtemps que j'ai pas eu de flat, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il dit, tu vas en avoir un main vite. J'ai dit, je veux pas de flat sur l'autoroute, là. Et pas y aller dans la pluie, puis tout, sortir de mon char, puis attends. Moi qui n'ai pas bien de force, puis tout crunché. Fait que là, avant hier, je n'ai eu un, mais il était chez nous devant la porte. Puis je suis arrivé avec mon char chez nous... J'étais allé à la maison, puis quand je suis ressorti, je m'étais aperçu qu'il y avait un flat. Des flats de même, ça ne me dérange pas. Tu vois, dire? L'inévitabilité de l'acte. Mais il faut que tu sois conscient de la probabilité de l'acte pour entrer dans l'inévitabilité de l'acte et la détruire. Si tu n'es pas conscient de l'avenir, tu ne peux pas détruire l'avenir dans le présent. Il faut que tu en arrives à détruire l'avenir dans le présent. Comment on va dire? Et, faut que tu sois conscient de l'avenir. Bon, écoute, il y a un point important. C'est intéressant, ça. L'homme sait tout vibratoirement. On sait tout vibratoirement. Vibratoirement, on sait tout. Parce que l'homme est énergie. Alors, si les énergies descendent dans ses plans, c'est tout. Vibratoirement, c'est tout. Pas nécessairement intellectuellement ou mentalement, mais vibratoirement, c'est tout. Mais l'homme n'est pas conscient. Fait qu'il y a bien une énergie qui passe. Puis, hop, il ne pogne pas. Vous autres, vous dites des fois, il y a une intuition à passer trop vite. Quand tu es conscient, le mouvement se fait, ça veut dire quelque chose. Fait que si tu es bien conscient, le mouvement se fait, tu dis, qu'est-ce qu'il y a là? C'est moi, je le parle de même. Qu'est-ce qu'il y a là? Des fois, ils vont me dire, c'est pas sérieux. Si tu veux dire, c'est pas sérieux, là, j'ai force à expliquer le futur. Pour. Détruire l'inévitabilité de l'acte. Pour tuer l'incident dans l'œuf. Mais pour tuer l'incident dans l'œuf, pour détruire les probabilités, faut que tu sois en dehors du temps, dans ton esprit. Fait qu'à ce moment-là, n'importe quelle probabilité, parce qu'ils savent tout. Fait que tu sais tout. Comme ils savent tout, si tu sais avec eux, le mouvement de l'énergie va t'amener, parce que quand tu conduis un char, eux autres, ils savent si ça prend 40 000 pour faire un flat ou si ça prend 37 000. Ils peuvent te faire réduire ça à 32 000. Ils peuvent te faire réduire ça dans un restaurant. Ils te donnent le goût d'aller prendre un petit coke. Tu vas au restaurant, tu prends un petit coke, tu as ton flat. Comprends? Mais il faut que tu sois conscient de l'énergie. Étant conscient d'énergie, tu es conscient de l'intelligence de l'énergie. Automatiquement, tu réduis la probabilité, tu l'élimines la probabilité, tu te soustrais de l'inévitabilité de l'acte. Tu maintiens l'ordre dans ta vie. Tu te gonfles parce que c'est des lois mécaniques. Mais t'en souffres pas. Non, c'est sûr, je vais dire. Non, parce que c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. T'as ton ordre, moi j'ai mon ordre, moi j'ai ma névrose. Moi, me faire poigner sur l'autoroute avec un wrench, là, me casser le dos. Bon, ben, fais-moi les faire chez nous, le flat. Eux autres, connaissant toutes les probabilités, sont capables de me faire faire mon flat chez nous. Moi, non, chez vous, quand je t'ai arrêté. Tu comprends? Quand tu fais soleil au lieu quand il pleut. Oui, c'est ça que je veux dire. T'as juste à la pensée, c'est eux autres. C'est ça. T'as pas l'absolument que t'aies un temps. Oui, parce que c'était le temps que la conscience de la matière se transforme. La conscience de la matière est tellement imparfaite qu'elle doit constamment se transformer. La matière se transforme constamment, constamment, constamment. C'est pour ça qu'il y a de l'usure, et ainsi de suite. Tandis que dans l'éther, ça n'existe pas, ça. Des flats, puis de l'usure, ça marche pas. La matière dans l'éther, elle dure des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. La lumière dans l'éther, ça dure des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Parce que la conscience de la matière est beaucoup plus élevée. Mais la conscience de la matière, c'est tellement basse, casseuse, casseuse. Qu'est-ce que c'est de la friction? C'est une perte de conscience. L'usure, c'est une perte de conscience. Tandis que dans l'état, il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas de perte de conscience. Ben, c'est évident. Ben, je t'en repensais, là. En premier, tu vas parler avec. Puis c'est toujours... C'est jamais ce qu'il veut dire. Tu commences pas toujours à voir en arrière de ce qu'il veut dire parce que ça passe. T'es pas le temps. Ça passe. Faut toujours que tu ailles voir en arrière de ce qu'il veut dire tout le temps. Parce que son but de te parler, c'est pas de te communiquer quelque chose. C'est de faire vibrer ton mental. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis que ta connaissance. Tu sais, quand je dis que ta connaissance, c'est une illusion. C'est exactement rattaché à ça. Le but, c'est de faire vibrer ton mental. C'est pas de te communiquer quelque chose. Parce que t'es supposé te savoir. T'es supposé savoir. Vibratoirement. Leur but, c'est de te faire savoir ce qu'eux autres savent. Non, c'est pas de te faire savoir ce qu'eux autres savent. C'est de te faire connaître ce qu'ils savent. OK, pour. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu sais, c'est qu'est-ce que tu sais? Non. Oui. Ce que tu sais, c'est pas ce qu'ils savent. Ce que tu sais, c'est ce qui te permet de savoir. Non, mais moi, c'est le... Non, mais c'est ça que je veux dire. Non. Ce que tu sais, c'est pas ce qu'ils savent. C'est ce qui te permet de savoir. Et ce qui te permet de savoir est toujours conditionnel à ce que tu dois savoir et non pas à ce qu'ils savent. C'est pas tes affaires, ce qu'ils savent. Mais c'est tes affaires de connaître ce qui te permet de connaître, de savoir. Ce qui est ta propriété, ce qui t'est dévolu, c'est ce qu'ils te permettent de savoir pour ta protection. Parce qu'eux autres, s'ils te permettaient de savoir ce qu'ils savent, la patate te sauterait de main. Non, fusionner, pas fusionner. Parce que tout est une affaire d'énergie. Tout est énergie. Moi, je voudrais pas savoir ce qu'ils savent. J'ai accès à ce qu'ils veulent bien me faire connaître. C'est rien que ça, je t'ai intéressé de savoir. Parce que c'est ça qui me suffit sur le plan ici. Tu changes de plan, les conditions changent. Tu t'en vas sur le plan eux autres, mais c'est un autre plan d'abord. Tu tombes dans la même énergie. Mais tu peux pas avoir cette patente-là qui te descend dans cette patente-là ici. Finalement, tu t'occupes de ton plan. Ah! Maudit que t'es intelligent! C'est rien que ça, ta bébelle. Tu t'occupes de ton plan. C'est pour ça que je dis que quand l'homme se conscientise, il se déspiritualise. Parce que quand tu spiritualises, tu t'occupes pas de ton plan. Tu t'occupes des autres plans. Quand tu te conscientises, tu t'occupes de ton plan. Puis t'en arrives à t'occuper tellement parfaitement de ton plan, puis à vivre tellement parfaitement que ton plan, que tu rentres dans un autre plan qui n'est pas la spiritualité, mais qui est l'éthérique. C'est pour ça que si t'arrive quelque chose, c'est à maudit. Ouais. Parce que... Parce que pas d'ordre exactement comme tu le voulais. Ouais. Comme t'es l'outil, t'es le canal agissant sur le plan matériel, t'as le pouvoir. Effectivement. T'as le droit à l'énergie. C'était pour mettre de... C'était pour créer quelque chose. C'est normal à l'homme de vivre parfaitement. Quand tu t'es bien occupé de ton plan, là, tu passes à un autre plan. Quand tu t'es bien occupé de ton plan, ensuite, tu passes par un autre plan parce que le plan dont tu t'es bien occupé a servi à préparer tes corps pour l'autre plan, qui est le plan ultime de l'homme, le plan de lumière, au lieu de le plan de la matière. Parce que l'homme est dans la matière simplement d'une façon temporaire, soit mortellement parlant, ou soit initiatiquement parlant. Parce que le plan de l'homme, c'est le plan de la lumière. C'est que l'homme finit par devenir un excellent véhicule pour... L'homme devient parfaitement un très bon véhicule. Pour l'ajusteur. Ben oui. La preuve, c'est qu'il fusionne avec l'âme. Après que l'âme a fusionné. Après que l'âme a uni avec l'ego. C'est pas une fusion. Union. C'est l'ajusteur de pensée qui fusionne avec l'âme.